Régression. Cela doit faire une bonne heure que Jean tourne autour du téléphone posé sur son bureau. Il n'arrive pas à se décider à appeler la SIA. Non qu'il craigne de la déranger, il sait qu'il peut compter sur elle à tout moment. Il n'est simplement pas certain d'être prêt à débuter cette introspection sous hypnose dont il connaît pourtant l'importance. Il va cependant falloir qu'il accepte de faire face à ce qu'il a enfermé à double tour dans le fin fond de son esprit. Une profonde inspiration. Ses doigts effleurent l'écran du téléphone. Contact. La SIA. Une dernière hésitation. Son pouce s'abaisse. Le bourdonnement de la sonnerie a un temps, puis la voix claire de la SIA. Bonsoir, Jean. Bonsoir, la SIA. Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Je viens juste de fermer mon cabinet derrière le dernier patient de la journée. Eh bien, je vous appelle. À l'autre bout de la ligne, la SIA sent tout de suite l'angoisse de Jean. Nul besoin de le voir pour cela, elle le connaît déjà si bien. Vous voudriez que nous débutions très vite le protocole et en même temps, vous en avez très peur. Est-ce bien cela? Oui. C'est normal d'avoir peur, mais je peux vous assurer que lorsque vous serez près de moi et lorsque nous commencerons, votre peur aura disparu. Jean se jette à l'eau. Eh bien, allons-y, mais... La SIA ne lui laisse pas le temps de se raviser. Que diriez-vous de demain à 16h30? Cela tombe bien, un patient s'est décommandé ce matin. Prévoyons 2 heures, mais sans doute aurons-nous terminé un peu avant. Je ne sais comment vous remercier, la SIA. Vous n'avez pas à me remercier. C'est un bonheur pour moi de pouvoir vous être utile. Bonne soirée et bonne nuit. À demain. Bonne soirée, la SIA. Jean raccroche, le cœur gonflé de cette joie si particulière qu'il ressent chaque fois qu'il parle à la SIA. La nuit a été merveilleuse. Il a parlé avec Nathalie de la démarche entreprise avec la SIA et Chou pour préserver sa mémoire. Lorsqu'ils se retrouveront, ce sera comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Elle lui assurait que de son côté, cette étape était déjà franchie. Ensuite, jusqu'au petit matin, ils ont évoqué quelques-uns des épisodes de leur vie après leur séparation. La porte s'ouvre sur le visage souriant de la SIA. Souriant n'est peut-être pas le mot juste, car elle ne sourit pas vraiment, du moins au sens que l'on donne habituellement à ce terme. C'est pourtant comme cela que Jean définit le mieux son expression. D'abord, 2 grands yeux pleins de bienveillance, ensuite les lèvres pleines entrouvertes sur les perles de ses dents. Elle s'efface pour le laisser entrer. Bonjour Jean, je suis heureuse de vous revoir. Spontanément, Jean se penche et l'embrasse sur les 2 joues. Bonjour la SIA, j'espère n'avoir pas trop bousculé votre agenda. Elle le conduit dans le salon, le fait asseoir sur le canapé et prend place à côté de lui. Sur la table, un plateau avec une théière fumante et 2 tasses. Ils vont bavarder quelques minutes du beau temps revenu après les pluies diluviennes de ces dernières semaines, sans que la SIA ne fasse allusion au sujet pour lequel elle a fortement encouragé Jean à venir. L'appréhension de Jean est aussi grande que son impatience, mais il se garde bien de le montrer, ce qui, il le sait parfaitement, serait très incorrect dans la culture de son ami. Elle n'a cependant pas l'intention de différer davantage. Aborder un sujet directement est certes incorrect. L'éluder ne l'est pas moins. Après avoir de nouveau rempli leur tasse, la SIA cale son dos avec un coussin et, ramenant 1 jambe sous elle, explique « Si j'ai tant insisté pour que vous veniez, c'est pour passer à l'étape qui vous permettra, comment dire, de réimprimer vos souvenirs, afin qu'ils fassent partie de la mémoire du nouveau moi que vous intégrerez au moment du passage. » Jean est aussi attentif que l'on peut l'être. Il ne perd pas une seule parole de la jeune femme. Elle poursuit. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour évoquer les blocages traumatiques qui brouillent l'accès à certains de vos souvenirs. Afin de vous permettre d'explorer les profondeurs de votre inconscient et d'en conserver une trace, nous allons aborder une technique particulière que l'on désigne communément par « régression sous hypnose ». Jean a un sourire presque amusé lorsqu'il réplique. Je ne sais pas pourquoi, mais... depuis quelques mois, je suis prêt à tout entreprendre. On viendrait m'annoncer que nous allons mettre au point un protocole pour inverser la rotation de la planète. Je n'en serais pas plus surpris que ça. La SIA rit, ce qui est rare chez elle. Elle semble satisfaite de l'écoute de son interlocuteur et de sa réaction. Elle en vient au cœur du sujet. Depuis votre vie fœtale, chaque seconde de notre existence est enregistrée dans notre cerveau. Cela signifie que l'on peut récupérer ces informations. Il est donc possible de travailler sur certaines expériences négatives du passé. Relaxer profondément son mental, puis par l'hypnose accéder à un moment du passé et le comprendre. C'est schématiquement la procédure d'une régression sous hypnose. Elle s'interrompt pour boire une gorgée de thé. La régression sous hypnose permet non seulement de rembobiner le film de sa vie, mais aussi de réparer les séquences traumatiques dont on n'a quelquefois pas le moindre souvenir, du fait d'un processus amnésique utilisé par l'esprit pour se protéger. Il ne s'agit absolument pas de les effacer, et encore moins de les remplacer par d'autres, cela est totalement impossible, mais tout simplement de les comprendre. Sans toujours vouloir donner un but thérapeutique à ces séances, on peut simplement souhaiter raviver certains souvenirs, juste pour en conserver les détails, et c'est ce que je vous ai proposé de faire dans un deuxième temps. Elle s'interrompt un instant pour mieux se concentrer sur les explications dont Jean va avoir besoin pour s'intégrer au processus. Nous allons débuter les séances de régression à mon domicile. Elles auront un but thérapeutique et concerneront les périodes que nous aurons identifiées comme étant liées à des événements traumatisants. Notre objectif sera de les analyser ensemble pour vous permettre de les accepter puis les remettre à leur juste place. Dans un deuxième temps, et si vous le désirez, il sera possible d'entamer une véritable exploration de votre mémoire sur une ou plusieurs périodes de votre vie. Je ne crois pas me tromper en affirmant que parmi ces périodes, une vous tient particulièrement à cœur, votre relation avec Nathalie. À cette évocation, Jean ne peut dissimuler son émotion. Merci, Lassia. Vous n'imaginez pas ce que cela peut représenter pour moi. Justement, si. C'est pour cela que je vous le propose. Mais ce sera une étape difficile, sans doute plus que la précédente. Je veux dire techniquement, car cela demandera beaucoup plus de temps, à raison d'une séance quotidienne pendant 6 mois à 1 an, peut-être plus, selon l'étendue des périodes à explorer. Ce temps long vous contraindra à travailler seul à votre domicile, car il est évident que je ne pourrai être auprès de vous en permanence. Effarement et inquiétude se peignent sur le visage de Jean. Seul ? Mais je n'y arriverai jamais. Il n'est pas certain que le sourire de Lassia le rassure. Elle précise donc, ne vous inquiétez pas. Nous aurons recours à une autre méthode pour vous permettre de travailler chez vous. J'en achève la mise au point avec Chou et ne peux pour l'instant vous en dire davantage, sauf que nous avons bien avancé et que je suis très confiante. Jean s'inquiète tout de même. Je le suis tout autant, mais en ce qui me concerne, me croyez-vous vraiment capable de maîtriser tout ça ? Lassia sourit. Voilà bien une réaction et un mot typiquement occidental, et tout particulièrement français. Maîtriser. Mais il n'y a rien à maîtriser, Jean, juste à lâcher prise. Si vous le souhaitez, et je vous le recommande, vous pourrez même faire un recueil des notes de chacune de vos séances. Notes qui, par ailleurs, me seraient utiles si vous souhaitez que j'en fasse l'analyse. Jean l'interrompt un instant. Mais si j'écris tout ce dont je vais me souvenir, il risque d'y avoir... Il y aura sûrement même des moments intimes, comment dire, plutôt dérangeants. Lassia lui prend les mains et ce contact le rassure. Ne vous inquiétez ni de la forme, ni du fond de ce que vous transcrirez. La première raison étant que je ne pense pas que vous ayez la prétention d'égaler Victor Hugo. La deuxième, que la douceur, la tendresse et l'amour que vous y mettrez vous autorisent à noter tout ce que vous revivrez dans les moindres détails. Comme la majorité des espèces, l'espèce humaine est sexuée. L'homme et la femme sont donc destinés à s'accoupler, et à l'exception du viol, de l'inceste et de la pédophilie, la civilisation dont je suis issu ne pose aucun interdit sur les préférences sexuelles d'adultes consentants. Jean toussote, non pas comme s'il était gêné, mais comme s'il cherchait ses mots. Pardonnez-moi, Lassia, mais Nathalie et moi avions des pratiques amoureuses. Comment dire ? Oui, c'est ça. Inhabituel aux yeux de la plupart des gens. Lassia garde les mains de Jean dans les siennes. Son sourire et son regard sont si doux. Je n'ai pas la même conception de Dieu que vous. Mais n'hésite pas à dire que Nathalie et vous vivez dans sa lumière. Il ne peut donc en ressortir qu'amour et beauté. Alors dites ou écrivez les choses telles qu'elles vous viennent, tout simplement. Ne censurez rien, strictement rien. Toute censure en entraîne une autre, et au bout du chemin, vous trouverez un mur. Jean est très ému et ses yeux s'embuent. Grâce à vous, je vais pouvoir retranscrire ces moments avec une précision si parfaite que si je les vivais dans l'instant. Grâce à vous, ces souvenirs me survivront en ce monde et me suivront dans le prochain. C'est un peu comme si à l'attention de ceux qui souhaitent se souvenir de moi, je laissais la clé sous le paillasson et mes mémoires sur la table avant de partir. De ce que j'ai retenu de vos explications, je suis conscient que mon esprit n'obéira pas toujours parfaitement aux suggestions que vous y aurez implantées, et qu'en conséquence, la chronologie de ce que je revivrai sera parfois fantaisiste. Pour les mêmes raisons, il s'y trouvera sans doute des périodes antérieures à l'année où j'ai rencontré Nathalie. Qu'importe, il me sera facile de reclasser tout ça. Eh bien, par quoi commençons-nous? Devons-nous aller dans la salle d'examen? Lassia sourit. À moins que vous ne trouviez mon canapé particulièrement inconfortable, je pense que nous pourrons opérer ici. Ce qui soulignera le caractère privé de ces séances. Allongez-vous. Je vais me mettre dans le fauteuil à côté de vous. Les doigts emprisonnant un poignet, son autre main sur la tête de Jean, Lassia commence à le masser doucement entre les deux yeux psalmodiant ce chant qui l'apaise tant. Puis elle le fait patienter et revient, une mallette à la main. Laissez-vous aller, comme si vous vous prépariez à dormir. Il faut que vous vous sentiez au mieux. Lassia ouvre sa mallette et en sort un agrasette qu'elle pose sur la table basse avec un carnet neuf. Puis elle s'assied dans le fauteuil près de Jean, lui prend la main et enclenche l'appareil. Transcription de l'enregistrement numéro 1. Séance privée du mardi 6 octobre 2015, 17h46. Objet de la séance, régression sous hypnose. Sujet, Jean Rine. Hypnothérapeute, Lassia Rampa. Bruit d'hiver. Lassia Rampa. Comme convenu, je vais vous mettre dans un état d'hypnose permettant la régression. Nous ne ciblerons pas une période précise. Ce sera à vous d'accrocher le premier souvenir qui vous viendra à l'esprit, de vous y fixer et de vous y tenir, quelque désagréable que ce souvenir puisse être. Toutefois, si vous ressentez un réel malaise, sachez que vous pouvez lâcher prise à tout moment. Vous n'avez pas à être inquiet. Je suis près de vous et je vous accompagne dans cette exploration. Êtes-vous d'accord pour que nous commencions ? Jean Rine, quand vous voudrez, Lassia, je suis prêt. L.R. Comme nous le faisons d'habitude, vous allez vous concentrer sur ma voix. Vous êtes totalement concentré. Vous n'entendez plus que ma voix. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous vous laisserez glisser au fond de votre mémoire. Tout au fond, là où sont les souvenirs les plus anciens. Pause. L.R. Maintenant, Jean, prenez une grande inspiration et expirez lentement, très lentement. Je compte. 1. 2. 3. Voilà. Laissez-vous aller. Comme cela. Oui. Tout va bien. Pause. LR. Vous vous sentez bien, Jean. Parfaitement bien. Tout est calme. Parfaitement calme. Vous entrez dans votre mémoire. Respirez profondément. Oui, comme cela. Voyez-vous quelque chose? Un lieu particulier? J.R. Oui, je suis à la gare Saint-Jean à Bordeaux, et l'on est le 2 avril 1961. La pendule sur le quai. Il est 20h45. L.R. C'est très bien, et que ressentez-vous? J.R. Je me sens mal à l'aise. Et j'ai envie que mon train parte le plus vite possible. L.R. Vous devez prendre un train, et pour quelle destination? J.R. Marseille. Je dois me présenter à la caserne Sainte-Marthe, caserne de transit pour l'Algérie. Je suis militaire, sergent, et je suis affecté au 11e groupement tactique où je dois me présenter le 5 avril. Je ne sais pas où se trouve cette unité. Mon ordre de mission ne le mentionne pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est basé en Grande-Kabylie à l'est d'Alger. LR. Êtes-vous en uniforme? JR. Oui. LR. Êtes-vous seul sur ce quai de gare? JR. Non. Il y a beaucoup de monde et surtout pas mal de militaires assez bruyants dont certains ne sont manifestement pas à jeun. LR. Ce n'était pas le sens de ma question. Je voulais dire, y a-t-il des membres de votre famille près de vous? JR. Oui. Mon père et ma belle-mère m'ont accompagné à la gare. LR. Voulez-vous partir explorer cette période ou préférez-vous rester sur ce quai de gare ? J.R. Je préfère rester là. L.R. Très certainement. Que voyez-vous d'autre ? J.R. Mon père et moi grimpons dans le wagon seul. Ma belle-mère reste sur le quai. Nous entrons dans le compartiment couchette. C'est une seconde classe. Par la vitre, je vois la pendule du quai. Il est 20h57. La loco ne doit toujours pas être attelée, car seul l'éclairage blafard des quais permet de se repérer dans les wagons. Il n'y a personne, et je pense qu'avec un peu de chance, je vais voyager seul. Je vérifie mon billet. Je suis sur la couchette du haut. Silence. L.R. Jean, vous êtes toujours dans le train ? J.R. Oui, j'y suis toujours. J'attends mon père qui est monté derrière moi dans le wagon. Il m'aide à installer mon sac à paquetage et mon sac à dos dans le filet à bagages. Je remarque que ce soir, malgré le masque de froideur habituel que je lui connais bien, il a l'air ému. L.R. Votre père est quelqu'un de froid. J.R. Ce n'est pas un bavard. Toujours aussi peu loquace qu'à l'ordinaire, il n'a pas dit un mot tout au long du trajet, depuis que nous avons quitté la maison, pas plus que pendant le dîner d'ailleurs. L.R. Est-ce que vous le voyez distinctement ? J.R. Oui, tout à fait. Il aurait pu venir en civil, mais il a tenu à se mettre en uniforme pour m'accompagner. Sur les épaulettes de son imper kaki, ses trois barrettes de capitaine. L.R. S'est-il mis en uniforme pour marquer une distance entre vous ? J.R. Oh non ! Il n'a pas besoin de ça pour le faire. L.R. Et pourquoi l'a-t-il fait ? J.R. C'est sa façon à lui de me dire que s'il est mon père, il est aussi un soldat, avec ses 10 ans passés sur les théâtres d'opération, où la République a fait la guerre depuis 1939. L.R. Pourquoi, ce faisant, rappeler une période si lourde à son fils, qui à son tour part vers une guerre ? J.R. Pour me dire son inquiétude de père et d'ancien. Il a tout fait pour me dissuader tout d'abord de m'engager, ensuite de me porter volontaire pour l'Algérie. C'est difficile pour lui, mais il a tenté de me faire comprendre que les blessures du corps ne sont parfois pas grand-chose, en comparaison de celles de l'âme. Tant de soldats sont revenus de la guerre en apparence intacts, mais leur esprit n'était plus qu'un champ de ruines. L.R. Et pensez-vous qu'il a raison ? J.R. Là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Aujourd'hui, si. L.R. Vous dites aujourd'hui si. Cela signifie-t-il qu'en même temps qu'être avec votre père dans ce train, vous avez conscience de votre présence ici, près de moi ? J.R. Oui, parfaitement. Comme si je regardais un film assis près de vous sans que vous puissiez le voir. L.R. C'est une précision intéressante. Est-ce que le film se poursuit ? J.R. Oui. Mon père s'assied sur la banquette en face de moi, enlève son calot, le pose à plat sur son genou et le lisse avec application. Sa voix est étrange, légèrement tremblante. Elle n'a plus rien de commun avec celle à laquelle je suis habitué, autoritaire, cassante. L.R. Il vous parle ? J.R. Oui, je l'entends distinctement. Il dit : Tu sais, la guerre, ce n'est pas ce que tu crois. Celle-là en particulier, un beau merdier. Ne te laisse jamais dominer par tes émotions. Considère que ce n'est qu'un boulot. Fais-le correctement, surtout pour tes camarades qui comptent sur toi. Mais garde tes distances avec ceux qui voudraient encore sauver la France. Ne va pas jouer les héros. Garde la tête froide et dis-toi que tu ne vas pas gagner la guerre à toi tout seul. D'ailleurs, c'est déjà plié. Le problème, c'est que comme toujours, dans les derniers mois, on vous demandera de mettre le paquet. Pour que ces messieurs les politiques puissent négocier au mieux quelques articles de plus ou de moins sur le traité que nos bureaucrates ont déjà concocté. Pas grave, s'il faut pour cela quelques milliers de morts en plus. Ça entre dans le passif et c'est déjà provisionné. Silence. L.R. Pourrions-nous faire une pause, Jean ? J.R. Oui, si vous voulez. L.R. Bien, nous allons remonter au réel. Vous allez revenir près de moi. À trois, vous allez ouvrir les yeux et vous souvenir de tout dans le moindre détail. Prêt, Jean ? 1, 2, 3. Profonde inspiration. L.R. C'est bien. Respirez comme ça, doucement. Je laisse le nagra enclencher, mais Jean-Rine n'est plus sous hypnose. Comment vous sentez-vous ? J.R. Parfaitement bien, juste un peu fatigué et peut-être un peu soif. La voix de L.R. qui s'éloigne, bruit d'hiver. L.R. C'est normal que vous soyez fatigué, surtout lors d'une première régression. Tenez, buvez. Silence. LR. J'aurais juste quelques questions avant de reprendre. Êtes-vous d'accord pour poursuivre? JR. Oui, bien sûr, Lassia, sans problème. LR. D'accord. Vous souvenez-vous de tout ce que vous avez retrouvé dans votre mémoire? JR. Absolument dans les moindres détails. C'est extraordinaire. C'est comme si ces événements venaient tout juste d'avoir lieu et qu'ils s'étaient imprimés dans mon esprit. LR. Excellent. Tout ce que vous avez reçu avec tant d'acuité restera accessible après le passage. Vous comprenez maintenant pourquoi ces séances sont importantes. Plus tard, vous pourrez aller chercher tous les souvenirs que vous souhaitez, mais ce qui importe, c'est que vous les amènerez telles quelles avec vous. JR. Mon Dieu. Cette nuit, Mathalie m'a redit que pour elle, c'était chose faite. Nous allons donc nous retrouver comme si nous nous étions quittés la veille, tout en ayant vécu une autre vie. LR. Chauve vous l'a dit. Vous ne serez sans doute pas tout à fait les mêmes et n'aurez pas tout de suite conscience de ce que vous avez été. Mais vous serez irrésistiblement attirés l'un par l'autre et lors d'une forte émotion, les souvenirs de cette vie vous reviendront. JR. Je suis prêt à reprendre. LR. C'est parfait, mais juste une question. JR. Bien sûr, Lassia. LR. Tout à l'heure, sous hypnose, vous avez dit que votre père était quelqu'un de froid et distant. Vous l'avez dit avec beaucoup de tristesse, mais aussi un soupçon de colère. Pouvez-vous m'expliquer? JR. La tristesse, c'est pour la vie qu'il a dû avoir adolescent, avec le peu que j'en sais. Un père très dur. Et ensuite pour celle qu'il a eue avec 10 ans de guerre ininterrompue. Il est rentré d'Indochine 48 heures avant le décès de ma mère. 5 ans de guerre, de 1939 à 1945, puis 2 séjours quasi consécutifs en Indochine de 2 ans et demi chacun. Cela fait plus de 10 ans sans vie de famille, sans qu'il ne me voie grandir, ni moi ni ma sœur, avec en prime l'horreur au quotidien. Il ne pouvait que se construire une carapace pour protéger ceux qui restaient de lui. Mais cette carapace l'empêchait de communiquer, en tout cas de dire à ses enfants qu'il les aimait. La guerre avait fait de lui une sorte d'autiste. Avec qui vouliez-vous qu'il parle de ce qu'il avait enduré? Sûrement pas avec un ado. La notion de stress post-traumatique, comme les cellules d'aide psychologique, était alors de pures abstractions. Chaque soldat se débrouillait avec les démons qu'il avait ramenés avec lui. Silence. LR. Je comprends pour la tristesse, mais pour la colère. JR. La colère, c'est surtout envers moi. Je n'ai même pas fait l'effort de chercher à comprendre pourquoi il était comme ça. Il est vrai qu'entre-temps, il y avait eu la mort de ma mère, le remariage de mon père avec une femme qui cachait la haine qu'elle nous portait, à ma sœur et à moi, sous ses mines compassées de Tartuffe. Pour ne rien arranger, il y a eu la guerre d'Algérie, puis mon mariage dont le moins que l'on puisse dire est qu'il n'était que l'apparence du bonheur. Bref, j'étais devenu comme lui. Comment diable aurions-nous pu nous parler? LR. Si vous étiez ce que vous dites, comment expliquez-vous que Nathalie ait pu tomber amoureuse de vous si vite? JR. Justement. Je ne me l'explique pas. À la seconde même où nous sommes rencontrés, je n'étais déjà plus le même homme. Je crois que cela tient du miracle et un miracle ne s'explique pas. LR. Pardonnez cette digression. Je voulais mieux comprendre votre relation avec votre père. Pouvons-nous poursuivre? JR. Je suis prêt. LR. Bien. Fermez les yeux, concentrez-vous sur ma voix et respirez profondément. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous serez de nouveau dans le train avec votre père. 1, 2, 3. Jean, vous m'entendez? JR. Je vous entends parfaitement. LR. Nous en sommes restés au moment où votre père vous livre son opinion sur les hommes politiques sur lesquels, semble-t-il, il n'a plus la moindre illusion. JR. C'est bien ça. Il veut m'épargner le piège des beaux discours, car il sait, pour l'avoir vécu, que les hommes politiques utilisent les soldats comme consommables, sans aucun état d'âme. Silence. Je comprends seulement maintenant que, sans m'en parler, il a actionné son réseau d'anciens pour me mettre à l'abri de certaines dérives. LR. Vous dites que c'est en ce moment même que vous comprenez ce que votre père est en train de vous dire il y a 55 ans. JR. C'est un peu ça. Réentendre ces paroles et revivre la scène me permet de comprendre ce que mon père a fait pour me protéger. LR. Et qu'a-t-il fait exactement? JR. Sachant dans quelle unité je suis affecté, il s'est renseigné sur ceux qui la commandent. Il a retrouvé une partie de l'équipe qui était sous ses ordres en Indochine. Des soldats professionnels qui, sans jouer les nounous, feront en sorte que je ne me laisse pas embarquer dans le premier coup tordu concocté par eux. Ils sont nombreux dans les unités spéciales, prêts à tout pour que l'Algérie reste française. LR, vous étiez dans une unité spéciale? JR, oui, c'était le commando de chasse du groupement tactique. Commando spécialisé dans la réduction des grottes dont la région était truffée et dans lesquelles les rebelles trouvaient refuge. LR, êtes-vous maintenant dans une autre période de vos souvenirs ou s'agit-il seulement d'une projection de ce que vous pensez? JR, non, je suis toujours avec mon père. LR, vous êtes dans le train avec votre père? JR, oui, il me parle, il dit. Tu sais, un contrat, ça se résilie. Il te suffira d'en faire la demande dès que tu auras fini ton temps de service légal. Mais en attendant, fais bien attention à toi. LR, voyez-vous son visage? JR, oui, mais c'est à peine si je le distingue dans la pénombre du compartiment. Il y a une secousse, et la lumière s'allume, c'est la loco qui a été accrochée au train. Normalement, nous devrions partir dans une dizaine de minutes. LR, pouvez-vous me dire comment est votre père? JR, il a remis son masque de sévérité. Il se lève et prend son portefeuille dans la poche intérieure de son blouson. Il en sort un billet de 100 francs, me le tend. Tiens, tu en auras besoin pour améliorer l'ordinaire. Là où tu vas, il n'y a sûrement pas d'ortolan au menu. Il sera peut-être temps de dire au revoir à Éléonore. LR, je suppose qu'Éléonore est votre belle-mère? JR, oui, c'est ma belle-mère, mais... Silence. LR, Jean, vous êtes toujours dans le train? JR, oui, mais ma belle-mère vient d'entrer dans le compartiment. JR, elle vient vous dire au revoir? JR, ce n'est pas ce qui était convenu. Je devais lui dire au revoir par la fenêtre. Elle devait rester sur le quai. C'est ce que j'avais exigé avant de partir de la maison. LR, vos relations avec elle ne sont donc pas des meilleures? JR, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle vient de faire le pire qu'elle pouvait faire, et elle le sait. Je vois bien que mon père est furieux. Il n'a jamais supporté que l'on ne tienne pas à ses engagements. LR, vous dites que c'est délibéré pour vous faire du mal? JR, oui, elle s'en délecte. Je le lis dans ses yeux. Je le vois malgré son sourire hypocrite, que je ne connais que trop bien. LR, je regarde votre visage et c'est la première fois que j'y vois cette expression. C'est la preuve que vous revivez la scène. Si cela est trop pénible pour vous, nous pouvons interrompre la séance et... JR, tout va bien, Lassia. C'est un peu difficile à expliquer, mais ça me fait du bien. C'est comme si je nettoyais mon esprit. Je dois vraiment chasser la colère et la haine. LR, la haine, oui, mais pas la colère, Jean. Vous avez le droit d'être en colère. Que fait-elle maintenant? JR. Elle commence toujours ses phrases par ce gloussement hypocrite. Je voulais quand même t'embrasser avant le départ. LR, laissez peut-être de se racheter. JR, vous parliez de haine tout à l'heure. Elle, elle la cultive. À la voir comme ça, on croirait qu'elle est la bonté même. Pas un dimanche sans qu'elle n'aille à la messe et ne communie avec l'air extasié des images de son missel. Seulement, elle déteste le monde entier et je crois bien que je suis dans le top 10 de ceux qu'elle a dans le nez, tout juste après ma sœur. Elle se sait grosse et moche et ne peut supporter que mon père voie en ma sœur le portrait de notre mère qui, sans être un top modèle, était quand même une jolie femme. Pour l'avoir surprise alors qu'elle ne se savait pas observer, je connais son vrai visage, celui des mâchoires serrées et du regard noir de la méchanceté. Elle sait bien que je l'ai percé à jour et ne le supporte pas. Il y a 6 mois de ça, elle était ravie de me voir m'engager et quitter la maison. Si maintenant, je pouvais avoir la bonne idée de revenir entre 4 planches, rien ne pourrait lui faire plus plaisir. Après avoir réussi, à force d'arguments pseudo-pédagogiques, à persuader mon père de coller ma sœur en internat, ne voilà-t-il pas que j'ai eu la bonne idée de me porter volontaire pour l'Algérie? La voilà débarrassée des 2 bâtards. LR, c'est un long monologue, Jean. Correspond-il à ce que vous voyez? JR, hélas oui. Elle sourit et dit, je crois que le train va partir. Tu viens, mon chou? Le chou, c'est mon père, il déteste qu'elle l'appelle comme ça. Il ne lui répond pas, et avec sa raideur habituelle brusquement retrouvée, il m'embrasse et tourne les talons. J'ai l'impression qu'il vient de vieillir de 10 ans. Silence. LR. Vous revivez quelque chose de très pénible. Voulez-vous arrêter ou que nous fassions une pause? JR. Non. Je veux continuer et bien m'imprégner de ce qu'était cette femme. LR. Bien, je vous écoute. JR. Je la vois très distinctement. Elle est toujours en face de moi et se croit autorisée à me faire la bise. Je l'en dissuade d'un simple regard, tout autant d'ailleurs que de me donner le billet qu'elle avait préparé. Non, merci. Il y a du PQ dans les boîtes de rations. Ma réplique est peut-être vulgaire, mais à mon sens pas suffisamment tant cette femme est méprisable. Elle rengaine son billet et son sourit de piéta pour me lancer dans un sifflement hypocrite. Sois prudent. La région où tu vas est si dangereuse. Pas tant que ça. Tu n'y seras pas. À voir la crispation de son visage, je pense que j'ai fait mouche. Sans demander son reste, elle quitte le compartiment et rejoint mon père sur le quai, d'où il me fait un petit signe de la main, puis au moment où le train s'ébranle, un salut militaire plus affectueux que réglementaire. Silence. LR. Jean, est-ce que vous m'entendez? JR. Oui, Lassia, je vous entends. Mais je ne suis plus dans le train. Je suis sur un bateau dont je peux lire le nom sur une boue accrochée dans la coursive, Sidi Mabrouk. LR. Vous connaissez ce bateau? JR. Oui, c'est celui qui m'amène en Algérie. LR. Fait-il jour ou nuit? JR. Je n'ai pas de visuel sur l'extérieur. Je ne vois que les parois de métal de la coursive, mais je sais qu'il fait nuit. Oui, c'est ma montre. Elle indique 1h16, et tous mes sens me disent qu'il fait nuit. LR. Le bateau est à quai? JR. Non, on est en mer, et la mer est démontée. LR. Que faites-vous dans la coursive? JR. Je viens de quitter la cabine pour monter sur le pont. LR. Vous étiez dans une cabine? JR. Oui, avec 3 autres sergents. C'est une véritable puanteur, et le relent en imprègne le drap humide de ma capote. Il faut à tout prix que j'aille sur le pont pour pouvoir respirer autre chose que les flatulences du gros porc qui dort dans la couchette du dessus. Le pire, c'est l'odeur de vomi des 2 autres occupants qui ont rendu l'âme à même le plancher. LR. Ce que vous me décrivez est tellement insupportable que je n'arrive même pas à l'imaginer. L'air de la coursive doit être un peu plus respirable. JR. Oui, je m'accroche à la rampe qui court tout le long de la cloison. Je passe devant un hublot. Je ne vois que de l'eau. L'hublot est sous l'eau. La mer est vraiment déchaînée. LR. Vous dites que le bateau est pris dans une tempête. JR. Ça m'en a tout l'air. J'ai l'impression d'être dans un sous-marin. Comme tous les hublots d'un bateau normal, celui-là est censé se trouver au-dessus de la ligne de flottaison, mais je ne vois rien d'autre que de l'écume et de l'eau. LR. Et ça ne vous dissuade pas de monter sur le pont? JR. Quand bien même je le voudrais que cela ne serait pas possible. Une sentinelle au visage plus vert que le col de sa chemise est postée au pied de l'étroit escalier au fond de la coursive. C'est interdit, sergent. La mer est trop mauvaise, trop dangereux. Silence. LR. Vous devez avoir le mal de mer? JR. Non, je n'y suis pas sensible. Je fais demi-tour, la porte de la 2e cabine s'ouvre. C'est la Burle, mon copain de promo, qui en sort. Il referme la porte et allume une cigarette. Il tourne la tête vers moi. Il a un accent parisien assez prononcé. Tu cherches les gogues? J'ai essayé tout à l'heure. Je suis sorti plus vite que j'y suis entré. J'ai aussi essayé celle du pont en dessous. N'y pense même pas. Ils sont plus de 300 dans la cale. J'imaginais pas que 300 mecs, ça pouvait dégueuler autant. Si tu veux pisser, essaye la porte à gauche au fond du couloir. Ça doit être un débarras. Pas éclairé, mais ça vaut peut-être mieux. Pour le reste, faudra attendre qu'on arrive à Alger. Il tire une dernière bouffée et écrase son mégot sous sa semelle. Il dit « Je vais essayer de dormir. Tu devrais en faire autant. » Un petit salut et il disparaît dans sa cabine. LR. Je n'aurais jamais imaginé que l'on puisse traiter les soldats de cette manière. Vous me décrivez l'enfer sur terre. Quel est donc votre état d'esprit à ce moment précis? JR. Je pense à mon père et à l'opinion qu'il a des hommes politiques. Silence. LR. Jean, est-ce que vous m'entendez? JR. Oui, Lassia. LR. Où êtes-vous en cet instant? JR. Je reviens du débarras. Je retourne dans ma cabine avec les odeurs de crasse, de sueur, de paix et de drap mouillé. Je m'allonge tout habillé sur la couchette du bas. La pénombre m'épargne de pouvoir distinguer la couleur du matelas. Mais pas l'odeur de vieille crasse et de tabac refroidi. Il ne doit pas faire plus de 3 centimètres d'épaisseur et les barres du sommier me rentrent dans les côtes. Le gars au-dessus de moi a dû finir de digérer ses faillots. Il ne pète plus, il ronfle en cadence avec le rythme du roulis et les grincements de ferraille de la vieille coque. Impossible de dormir. LR. Vous allez revenir avec moi, Jean. Je compte jusqu'à 3, et à 3 vous revenez. À 3, vous revenez au conscient. 1, 2, 3. Voilà. Respirez. Tout va bien. Silence. LR. Jean-Rine n'est plus sous hypnose. Je laisse tourner le nagra. Comment vous sentez-vous, Jean ? Gire, plein de colère. Tant de gens sont morts. LR, vous êtes impressionnant. Tout à coup, là, je vous ai vu tel qu'en 1984 a dû vous voir Nathalie. J'ai vu l'homme capable de grande colère et de passion, et dans le même regard, il y avait tant de tendresse, de force et de douceur. C'est un cocktail bigrement explosif. Et je ne suis pas étonné que Nathalie en soit tombée amoureuse. J.R. C'est surprenant. L.R. Qu'y a-t-il de surprenant ? J.R. Vous venez de faire le portrait de Nathalie. Elle est très exactement ce que vous venez de décrire. L.R. Ce qui prouve qu'elle est votre âme sœur. Votre rencontre a dû être absolument magnétique. Vous ne pouviez qu'être instantanément attirés l'un par l'autre et vous aimer d'un amour infini. J.R. Dieu vous entende pour ce qui est de l'infini. LR, vous ne pouvez en douter. S'il y a une chose dont vous ne pouvez douter, c'est bien de celle-là. Souhaitez-vous que l'on poursuive ou... JR, si vous le permettez, Lassia, je préfère arrêter. LR, c'est tout à fait normal que vous soyez fatigué. C'était la première séance et de plus riche en émotions. JR, j'en déduis qu'à la prochaine, je serai épuisé. LR, en principe non, sauf si... J.R. Sauf si, comme ce sera le cas, les émotions sont plus intenses qu'aujourd'hui. L.R. Pourquoi le craignez-vous ? J.R. Parce que je sais qu'il me faudra replonger dans le trou noir dont j'ai eu tant de mal à m'extirper. Je n'ai jamais réussi à le refermer totalement. Depuis tant d'années, il est là, tapis au fond de moi. L.R. C'est précisément à cela que servent les séances de régression, à identifier les trous noirs que nous portons en nous et à leur envoyer ensuite plus de lumière, ils ne peuvent en absorber jusqu'à ce que le moindre élément qui les compose soit identifiable et reconnu. Cette lumière, c'est l'amour, et c'est justement ce dont vous débordez. Même si cela sera dur, vous n'avez rien à craindre. J.R. J'aimerais en être aussi sûr que vous. L.R. Vous le pouvez. N'oubliez pas que je suis là. Je suis votre ami, et je tiendrai votre main. Silence prolongé. J.R. Seigneur, vous m'avez fait pleurer, Lassia. Non, non, ce n'est rien. Je voudrais plus souvent pleurer comme ça, parce que là, c'est de bonheur. LR. Merci, Jean. Tenez. Bruit de quelqu'un qui se mouche. Fin d'enregistrement.